J'ai commencé, c'est mon premier film, s'appelle Acatone. Et j'ai commencé à tourner une chaîne avec une jeune fille. Et j'ai commencé avec un gros plan. Alors mon opérateur m'a demandé quel objectif mettre dans la caméra. Et je ne savais pas qu'il y avait des objectifs différents. Alors j'ai demandé et j'ai commencé à travailler. En travaillant, j'ai appris à faire le cinéma. Alors, ce premier film, au moment de la distribution, est-ce qu'on vous l'a pris assez facilement pour le distribuer, ce film, pour dans les salles de cinéma de... Oui, oui, il y a eu un producteur très courageux, qui s'appelle Fredo Bini, qui a risqué de faire le film. Ensuite, alors, vous avez continué, ça a été pour vous une satisfaction personnelle. Ce n'est pas plus que satisfaction, oui. C'était une sorte de, en Italie on dit ebbrezza, comment on dit en français, ivresse. Ivresse, oui. Une espèce d'ivresse. Et à travers le cinéma, j'ai compris mieux quel est le véritable rapport que j'ai avec la réalité. Et c'est pour ça que j'ai continué à faire ça. Le cinéma pour vous, qu'est-ce que c'est exactement? Le cinéma, c'est pas une technique, c'est une langue. C'est-à-dire que le cinéma a des règles, des structures qui sont des structures et des règles linguistiques. La principale de cette règle, c'est que le cinéma exprime la réalité à travers la réalité même. Si je veux exprimer vous à travers le cinéma, j'exprime vous à travers vous-même. Et alors, ça pose le metteur en scène toujours dans l'intérieur de la réalité. Vous n'aimez pas la bourgeoisie, vous semblez ne pas l'aimer. Qu'est-ce que vous reprochez aux bourgeois? Vous savez, il y a une forme d'haine. Haine, on dit, oui, odieux, haine, oui, oui. Contre la bourgeoisie, qui peut-être est due à des chocs enfantins. Quand j'étais un enfant, j'ai eu des chocs, le complexe d'Édipe. Mais après, cette haine instinctive, naïve, est devenue idéologique à travers le marxisme. Et alors, je peux dire que je lutte contre l'esprit bourgeois, contre le capitalisme. C'est une lutte politique et idéologique, mais surtout psychologique. Vous luttez contre la bourgeoisie, mais pas seulement en Italie, c'est la bourgeoisie non, en général. Non, c'est le capitalisme, c'est-à-dire la bourgeoisie en général. Mais en Italie, comment vous êtes accepté? Vous avez eu pas mal d'ennuis en Italie quand même. J'ai beaucoup de procès. Vous savez, contre Théorème, il y a un procès maintenant. Et c'est une lutte. Mais quelle impression ça vous donne? Est-ce que vous recherchez d'avoir des ennuis ou quoi? Non, peut-être mon inconscient, subconscient, oui, inconscient, oui. Peut-être, je ne sais pas. Je sais que je lutte et quand on lutte, c'est naturel qu'il y a aussi des persécutions, des échecs, etc. Oui. Les films, vous avez naturellement, les critiques ne doivent pas beaucoup vous intéresser. Quand vous lisez une critique d'un film, ça non, ça je lis jamais les critiques, ouais. Parce que c'est toujours... je lis seulement les critiques sérieuses, autrement. Les critiques véritables, pas les critiques des journaux, etc. Ça ne vous influence pas? Oui, quelquefois, oui. Il y a des critiques intelligentes, il dit des choses que je comprends, mm-hmm. et ça modifie ma idée sur moi-même, sur ma œuvre. Est-ce qu'il vous arrive de revoir un film que vous avez tourné, de le voir à l'écran, dans une salle de cinéma? Quelquefois, je suis très, très ému, et quelquefois, je suis dégoûté. Vous vous retrouvez dans vos films? Oui, je me retrouve, avec beaucoup de défauts et quelques qualités mystérieuses. Votre prochain film, quel sera-t-il? Il s'appelle Porcherie. Oui. Et il y a dans le film deux histoires qui sont alternées, mêlées, et qui ont une coïncidence. C'est l'histoire d'un cannibale, d'un jeune homme qui devient cannibale, et l'histoire d'un jeune homme qui aimait le porc. Mais tout ça, c'est métaphorique. Le porc représente la paix, le père et la mère, c'est-à-dire l'autorité, la bourgeoisie autoritaire. Et à la fin, le porc dévore le garçon. Est-ce qu'on va retrouver l'écrivain un jour? Vous semblez abandonner ça, être le cinéaste, mais l'écrivain? Non, j'écris encore, naturellement. Pas beaucoup. J'écris. Non, j'écris beaucoup. J'écris, naturellement, en France, je ne suis pas traduit. C'est ça? Naturellement. Ici. Oui, on a traduit mon roman qui sont intraduisables. Et alors? Mais j'écris beaucoup de poèmes et j'écris du théâtre dans les dernières années. Ces dernières années, j'écris du théâtre en vers, des tragédies en vers. Voilà, l'idée c'était de faire comme ça. Hey Marco! Comment va? Comment va? Ça va très bien toi? Bien. Micro. Alors Marco. Tu m'as donné rendez-vous, enfin moi je t'ai proposé un micro ouvert évidemment, mais tu m'as proposé un rendez-vous. Explique-nous où on est ici. Et là on se rapproche du Tir National, un clos des fusillés. C'est un lieu tragique d'un côté, c'est le lieu où les résistants de la première et de la deuxième guerre ont été fusillés par l'armée ennemie. Et donc voilà, c'est un lieu de la mémoire. Ennemie? Ennemi. Oui, c'était les nazis pendant la deuxième guerre. Mais quoi, ils ont fusillé là-bas ou bien non? Là, c'est un ordre, c'est non, un symbolique. Non, là, vraiment? Là, vraiment. Et donc là, il y a tout, donc les personnes qui ont été fusillées. Donc, ce sont 135, si je me souviens bien. Ah. Et quoi, c'est des résistants, du coup, alors? Oui, c'est des résistants. C'est des résistants, c'est des gens qui ont participé à la résistance à différents niveaux, hein. C'est des gens qui donnaient juste de l'aide ou des gens qui s'impliquaient et avec les armes aussi. Ok, ben on le voit pas, ben on va jusque là. On est boulevard. Comment ça s'appelle encore la rue ici? Elle est connue, hein. Colonel Bourg, c'est ça, hein. Voilà. C'est ça. Colonel Bourg. Voilà. C'est pas simple à rejoindre en fait, hein, comme tu peux bien. Pourquoi? Parce que c'est un peu décentré. Oui, c'est un peu décentré et puis il y a des travaux. Un peu caché d'ailleurs. Et comment tu sais ça, toi, qu'il y avait un cimetière comme ça de résistants? Mais en fait, c'était par hasard. Hein. C'est l'année passée, j'avais un film. Je voulais faire un film sur, justement sur cette thématique-là. Et je cherchais un lieu qui pouvait bien être symbolique. Et donc, en faisant des recherches, j'ai découvert ce lieu. Sur Internet? Oui. c'est vraiment... C'est devenu un peu la référence. C'est vrai qu'il y a tout, donc on peut tout trouver si on est capable c'est clair, à chercher. Donc, en faisant des recherches, j'ai découvert ce lieu-là. Et donc, c'est là que j'ai réalisé ce petit film avec une amie qui s'appelle Gundi Falk. C'est un grand artiste. Et j'ai eu le plaisir de rappeler son nom. Et voilà. Donc, tu es cinéaste, toi, Marco? Oui. Oui, je suis cinéaste. Voilà. J'aime bien dire filmmaker. C'est un peu la façon de définir les cinéastes indépendants, mais pas que, aussi ceux qui sont choisis de travailler, comme Jonas Mekas ou Boris Lehmann aussi à l'époque, avec une petite caméra, avec des outils d'amateur, on va dire. Okay. Mais faisant du vrai cinéma. D'accord. Et... Pourquoi ce micro ouvert, en fait? C'est parce que toi, Marco, si j'ai bien compris, tu connais bien Pier Paolo Pasolini. Je connais son travail. J'ai rencontré à plusieurs reprises dans mon parcours son travail et aussi quelques personnes qui ont travaillé avec lui. Et voilà, je le considère en tout cas parmi les plus importants intellectuels italiens de l'après-guerre, peut-être le plus important avec Pavese, et sûrement parmi les plus importants cinéastes européens. Ah, voilà, on se retrouve devant ce cimetière avec plein de croix. qui sont toutes les mêmes, hein, en béton. Les cadres, on va dire, c'est fort, hein, à voir. C'est... Donc ici, on est dans l'énergie des résistants, quoi. Je connaissais pas, merci Marco, je connaissais pas du tout. Et tout autour de ce cimetière, en fait, c'est incroyable. Il y a des grues, évidemment. On sait bien que la ville n'arrête pas de se transformer. C'est hallucinant. D'ailleurs, on l'entend. Absolument, mais c'est ça un peu les contrastes. Si tu veux. Et moi, je suis venu ici aussi l'année passée. Il y avait toujours des travaux. Donc, il y a toujours cette... Ah ouais, encore, quoi. Cette dimension un peu étrange, quoi. Ça fait un peu... par rapport à... à le lieu, et cette idée un peu austère, quoi. Il demanderait du silence, mais non. C'est vrai. C'est, en même temps, je trouve que c'est une belle image de notre époque, quoi. On essaye de faire des journées de la mémoire, on essaie de faire des cérémonies, mais en même temps, la vie, elle continue et il faut produire, donc il ne faut pas s'arrêter, mais en même temps, il faut. Et donc, ça fait des images un peu schizophréniques à un moment. C'est vrai. Et donc on se retrouve un peu pris par ça, mais... Et donc l'idée, c'est de ouais... Pourquoi c'est important, ça, je te proposais ça, c'est pas seulement parce que c'est important pour moi, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose, la résistance, dont a travaillé aussi sur Pasolini et sur sa pensée, et surtout dans des périodes bien déterminées, tu vois. Et donc, par exemple, il y a des écrits qui vont être repris, par exemple, aussi par, lors de notre petit focus Pasolini, le 9 février, il y a des textes où Pasolini a rappelé un peu l'importance de la résistance et a aussi rapproché au père en général, le fait d'avoir oublié la résistance, cette résistance, et d'être devenu quelque part des réactionnaires presque. Et... Mais c'est ça, mais c'est ça qu'il faut essayer. Bon, Pasolini, il est né en 1922, il est mort, assassiné en 1975. Le fascisme démarre en 1922. Termine en 1944. Et toi, t'es italien, mais d'où en Italie? Moi, je viens de Calabre. Moi, je viens du sud d'Italie. Et... Du sud, alors? Oui, profonde. Je suis face à Stromboli, quoi. Quelle est la différence entre le nord et le sud? Une grosse ligne fondamentale que t'aurais à dire là. Mais il n'y en a pas. Rome, nord d'Italie, c'est déjà le centre Europe. Plus ou moins comme façon de vivre, d'aider la vie et dimension sociale. Rome en bas. Des quoi? Dimension sociale. Des missions? Dimension sociale. Dimension. Et Rome en bas, c'est notre Italie, c'est le sud, c'est, ils nous appellent Calafrique, donc je dirais on est le nord du Maghreb, quoi. Au niveau culturel, au niveau style de vie, c'est par rapport à plusieurs choses en fait. Et donc, moi, j'avais envie de faire, de mettre en lumière Pier Paolo Pasolini, parce que, en fait, ce bonhomme, on n'en entend pas beaucoup parler, quoi. Il y a très peu de mise à l'honneur de ce type. En plus, il y a eu, en 2022, c'était centenaire de la naissance. La centenaire, ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, mais il y a quand même, il y a des choses. Par exemple, en Italie, j'ai vu, il s'est passé plein de choses. Ici, il s'est passé quelque chose. En Italie, peut-être. En Italie, beaucoup. Ici, quelque chose aussi fait par la communauté italienne, aussi par les institutions, mais je dois avouer qu'il montre un peu le fait que ce personnage pose encore problème à la culture italienne. Et ça gêne d'en parler. Moi, par exemple, ici, l'idée du focus est née aussi parce que, à un moment, je ne vais pas faire de la polémique, je ne connais personne, mais je vois que l'Institut italien des cultures, donc Casa Italia, il propose qu'un film de Pasolini pour ses centenaires, et c'est le Decameron. C'est une façon de nier la valeur de cette personne, parce que, avant, quand il a réalisé Salo, son dernier film, il donne plusieurs interviews et il dit je fais la bure de la trilogie de la vie, c'est-à-dire de mes films les plus joyeux. Parmi ces films-là, il y a les Décamerons. Et eux, ils font quoi? Ils proposent les Décamerons. C'est une forme d'ignorance, c'est une forme de... De méconnaître la personne. Quoi. On ne la connaît pas, on est occupé à faire autre chose. On n'a pas trop envie de la connaître. On n'a pas trop envie de la connaître parce que ça nous dérange. Toi, il y a tout cet aspect-là. Et je trouvais ça, encore une fois, un manque de respect. Pas seulement vers l'œuvre de la personne, parce qu'on peut être ignorant, on peut vivre bien, hein, mais aussi envers la personne. Alors là, c'est autre chose, quoi, parce qu'il faut quand même respecter la personne, il faut au moins connaître la personne, surtout si on est dans des rôles apicales par rapport à la culture. Hein, c'est l'Institut italien des cultures, c'est pas... Et donc là, tu parles de l'Italie, c'est ça, ou bien c'est plutôt ici? Ici, ah ouais. Ici, ici. Quand tu dis ici, c'est quoi, la Belgique ou... Bruxelles. Bruxelles. Je ne parle pas de la Belgique entière, mais... Tu ne la connais même pas. Oui, voilà. Je ne connais pas trop. Je connais un peu, mais pas trop. Et, donc, et par contre, en Italie, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses, mais ce sont, pour la majorité, des choses qui essaient de mettre en valeur tel aspect ou tel autre aspect, mais en tout cas, jamais de rentrer dans le cœur de son travail, qui c'est ce qui nous interpelle encore aujourd'hui. C'est quelque chose... Sa vie nous interpelle aujourd'hui. Si tu veux... j'en parlais l'autre jour avec un ami qui était italien, qui était d'accord, qui habite ici et qui était d'accord avec moi, qui aurait pu faire un peu plus les institutions italiennes au moins. C'est le fait que Pasolini, c'est un peu comme Gramsci, si tu veux, d'un côté. Quoi. C'est quelqu'un qui a tellement cru, s'est tellement investi dans ses idées. Et il y a des artistes, une fois Picasso, il disait, mais moi, dans chaque chose que je fais, je joue ma vie, quoi. Ou Miles Davis aussi, il a dit quelque chose pareil, quoi. Chaque note, je joue ma vie. Ben lui, dans chaque mot écrit, dans chaque polémique qu'il a fait, dans chaque séquence de film, il a joué sa vie au point de la perdre, quoi. Et donc, rien que pour ça, ben, il faudra un peu plus de respect envers cette personne et voilà, avoir un peu plus de curiosité pour découvrir l'œuvre qui évidemment dérange, hein, parce que c'est quelque chose qui est dérangeant, quoi, qui nous met mal à l'aise, qui... Bah, explique-nous, rentrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui met mal à l'aise Pasolini? Mais alors, il faut aussi dire, parce qu'on en discutait un petit peu hors micro, je sais que ça a l'air évident, mais Pasolini, c'est un intellectuel, il combat intellectuellement, hein, il écrit... moi, j'ai lu le livre Les Écrits Corsaires, c'est rempli de ce bonhomme, il y va tout le temps, quoi. Ça doit être fatigant aussi, tu vois, il est sur le ring tout le temps, quoi. Et C'est sa vie, c'est la façon dont il a choisi de vivre sa vie. Donc c'est vraiment, c'est pas seulement quelqu'un qui s'investit dans son travail artistique. Dans ce cas-là, ça sera simplement entre guillemets un intellectuel engagé. Oui, mais revins. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, alors je suis pas au courant, mais aujourd'hui, faisons le parallèle, on lit plus des choses comme il écrit, quoi. Tu vois, aujourd'hui, c'est mou. Il y a plus de réel. Combat, quoi, intellectuellement aussi, tu vois. Mais c'est ça, je pense, c'est là où lui, il était vraiment très loin par rapport aux autres intellectuels, c'est qu'il, même à ses amis, hein, je veux dire, lui, il était très proche de Moravia, par exemple. Non? Alors, si on parle des les rôles de l'intellectuel dans une société, ça pourrait être bien celui de Moravia, quelqu'un qui décrit les effets de la corruption, de la globalisation aussi, c'est qu'à l'époque c'était encore le début de la société de consommation. Mais donc il décrit les effets secondaires d'un côté. Toi. Alors que Pasolini, il va direct, quoi. Il dit, oui, tu as raison Moravia, ça ce sont les effets, mais il y a la cause. Et la cause c'est quoi? Ben, c'est le capital. Donc il va direct, et pas seulement à travers ses œuvres, mais aussi, comme tu viens de dire, avec ses écrits polémiques. Donc, plus populaire, quoi. Donc ce sont tous des articles qui sont sortis sur la presse, et sur les premières pages de la presse, hein. Et il accusait il faisait les noms, hein. Il arrête, quoi. Absolument, sacré absolument. Bonhomme, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est quelque chose qui ça fatigue, quoi. Ça fatigue la vie aussi, non, parce que c'est justement, c'est quelque chose qui investit totalement l'existence. Pasolini, c'était quelqu'un... Et en même temps, il avait une vraie joie de vivre. Hein. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de connaître quelques personnes qui ont travaillé avec lui. Ah oui, c'est ça que j'avais bien aimé quand je t'avais écrasé. Vas-y. Dans quel cadre, alors? Bah, en fait, moi, j'ai eu la chance... j'ai une formation particulière, si tu veux, par rapport à mon époque et à notre époque. Et dans le sens que, après avoir terminé les études, J'ai travaillé pendant 5 ans dans un centre culturel à Rome qui s'appelle La Camera Verde, comme le film de Truffaut, La Chambre Verte. Et c'était un lieu... Mais, après, si tu veux, j'ai appris l'art comme pendant la Renaissance, quoi. J'ai pas fait de master ou quoi, j'ai pris directement sur le terrain. Le directeur, c'était quelqu'un qui a... Son père était parmi les plus grands galeristes de Rome, donc il a organisé la première rétrospective sur Marais, mais avec Marais à l'époque. Donc il venait de tout cet héritage-là. Marais ? Marais, oui. C'est un artiste, grand artiste français, photographe. je ne connais pas. Et donc, parmi tous les artistes avec qui avait travaillé son père, il y avait Dino Pedriali et Mario Dondero. C'était deux grands photographes, mais deux grands photographes très, très proches de Pasolini qui ont beaucoup pris en photo Pasolini. Ils ont été aussi sur quel plateau. Et la chance était qu'à un moment, ces gens-là, ils venaient faire aussi des... Le directeur était aussi réalisateur, moi j'étais son monteur, et ils venaient prendre des photos sur les plateaux de ces films-là. Donc, au fur et à mesure, on a parlé beaucoup de fois, on a fait des repas en parlant de Pasolini. Oui, donc il le connaissait directement et tu avais un petit peu le retour. Après, évidemment, c'est toujours... Moi, j'avais entendu aussi des gens qui n'avaient pas rencontré Pasolini, mais entendu par le biais aussi de gens proches, que c'était un bon gars, quoi, que c'était quelqu'un de... C'était pas quelqu'un de hargneux ou de... Tu vois, c'était un bon type. Ouais, non, c'était quelqu'un vraiment... Voilà, très, très à l'aise, quoi. Je veux dire, par exemple, Mario, il me racontait, quoi. Lui, c'est lui qui l'a pris en photo. Il y a des photos de Pasolini qui joue au foot dans la rue avec les jeunes, quoi. Et lui, c'est lui qui l'avait pris. Et Pasolini, c'était quelqu'un qui adorait faire ça, quoi. Donc, se promener dans les quartiers populaires, jouer au foot avec les jeunes, ou aller faire des gros repas, toi, à l'aéroport, comme ça faisait. Il faisait à Rome beaucoup pendant les années 60. Donc, c'était quelqu'un qui avait une vraie joie de vivre. Mais moi, je le découvre, hein, vraiment. Mais on pourrait penser qu'avec les écrits corsaires, bon, j'ai lu que ça, il faut que je continue. Mais que le type, il est hargneux, quoi. Il n'arrête pas d'être sur la défensive, tu vois. Mais en fait, peut-être, tu sais, c'est toujours délicat. Et j'avais aussi envie de dire ça avant de commencer, c'est qu'on parle d'un type qui n'est plus là, hein. C'est toujours délicat de parler à la place de quelqu'un. Et aussi, c'est toujours délicat parce que le type, il aurait peut-être évolué aussi. Comment il verrait... Quand je dis évoluer, ça veut dire que sa pensée, puisqu'il est mort, tu vois, sa pensée aussi. Je dis pas que... Quand je dis évoluer, ça veut dire qu'il aurait peut-être... Enfin, voilà, tu vois, c'est difficile de prendre quelqu'un comme ça, blingue, et de superposer sa pensée à notre monde aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est... Ça, c'est vrai, ce que tu dis. En fait, hier, j'étais avec des amis réalisateurs aussi. On parlait justement de Pasolini. Et il y a quelqu'un qui a dit, et c'est vrai, justement, son dernier film, des fois, on a du mal, surtout parce que c'est vraiment un film après la mort de son auteur, quoi. Même s'il avait déjà terminé avant. Mais on le sent qu'il y a déjà la fin de comme c'est passé, quoi. Parce que son dernier film, c'est un film un peu cru. Hein. C'est Salo, ou les 120 journées de Sodome. Ouais. Et c'est un film vraiment cru, quoi. C'est un film qui vient d'après ça. Et donc, c'est lui-même qui l'a dit. Hein. C'est vraiment un film qui... Il pousse... Je vais montrer... La corruption du pouvoir et jusqu'à quel point elle arrive. Et aujourd'hui, et c'était encore la moitié des années 70, il disait, on est au-delà du porno, quoi. On est vraiment dans une époque sado, quoi. Et alors là, c'est vrai, il y a eu une dernière évolution dans la pensée de Pasolini. C'est vrai que c'est difficile à en parler parce que c'est quelqu'un qui a interrompu son parcours à un moment et son parcours a été interrompu d'une façon très violente. Mais en même temps, on voit bien... De quel parcours tu parles? Tu veux dire que sa mort, assassiné, quoi? Son parcours de vie existentielle et intellectuelle aussi. Mais en même temps, on sait bien, comme je te disais tout à l'heure, la moitié des années 70, il y a une rupture, quoi. On le sent. Et lui, il devient beaucoup plus dur. Il devient encore plus dur, si tu veux. Mais pourquoi? Parce qu'il voit des choses qui se passent dans la société italienne. Il voit un certain conformisme qui s'impose chez tous les intellectuels. Et pas que ça, toi. À un moment, il se rend compte que la société dans laquelle on vit elle est en train de se mettre vraiment en fonction. Et donc, il commence à voir que, par exemple, dans les quartiers populaires qu'il aimait fréquenter, ben, les gens ils commencent à s'habiller comme les bourgeois. Ils commencent à manger les mêmes choses, à désirer les mêmes choses. Et donc, il se rend compte que la civilisation avant, la civilisation de consommation est en train de disparaître. Et ça aussi parce que... Redis ce que tu as dit. Tu sais redire, tu as dit quoi? La société de consommation est occupée à disparaître. Non, la civilisation avant la société de consommation. Tout ce qui était la culture populaire, ouvrier, sous-prolétaire... agricole quoi, parce que l'Italie venait, c'était vraiment... Paysans. C'était des paysans, quoi. Non, mais même, je veux dire, il y a la séquence à Catone, toi, son premier film, et on dirait qu'il est tourné dans quelle campagne, non? C'est un quartier au centre de Rome, hein. C'est le centre historique de Rome. Et la moitié des années 60, il était encore comme ça, il n'y avait même pas la rue, quoi. Okay? C'était ça, l'Italie. Et puis, boom économique, années 60, ça veut dire énorme prêt par les Américains, hein, plan Marshall, hein, c'est pas... C'est pas que les Italiens se réveillent avec une culture industrielle, quoi. Et donc, mais par contre, les pays ils deviennent un pays industriel et tout ça, il commence à disparaître. Et puis, et ça, c'est tous ces combats des années 60. Début des années 70, il y a quelque chose en plus, quoi. Et puis, on le voit bien dans les années 80. C'est-à-dire, les pays deviennent d'un jour à l'autre 7e puissance mondiale. On n'a jamais compris pourquoi, hein, franchement. Par rapport à la réalité du pays, hein, je veux dire, moi je viens d'une région où on n'a pas de chemin de fer. Hein, je veux dire, tu prends pour arriver d'un côté à l'autre. Hein. Moi je prends 2 heures pour arriver ici et 12 pour aller chez ma grand-mère. Hein, donc. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, en 2023. Et donc lui, il avait déjà compris ça. Il avait compris qu'il utilise une formule que je trouve géniale justement dans ses écrits corsaires, c'est développement sans progrès. Donc tout est en train Développement sans progrès. Sans progrès. Donc tout est en train de se développer. Voilà. Bon, on construit. Mais les progrès qu'il doit suivre à ce développement, c'est-à-dire les progrès sociaux, les progrès civils. Les progrès culturels aussi. Et puis même, pourquoi parler de progrès, en fait, tu vois? Les choses avancent comme elles ont envie d'avancer, au rythme... Enfin, tu vois, tout ça, c'est aussi une construction, hein, le progrès. Absolument, absolument. Mais les progrès, si tu veux, comme lors de l'émission, qu'il y a un moment, je dis... Ils le vendent, eux, alors, absolument. Tu vois, parce que... C'est ça, mais justement. Puis, il y a une chose qui c'est intéressant, parce que, comme tu dis, la force des Pasolini, qui aujourd'hui, on ne retrouve plus, mais c'est aussi parce qu'on n'a plus certaines idées. Je veux dire, la pensée dialectique, ben aujourd'hui, ça commence à être difficile. Si on commence à avoir une attitude dialectique avec quelqu'un, la personne, elle va penser qu'on est bipolaire, quoi. Je veux dire, ça veut dire quoi, dialectique? Mais comment lui la développe, quoi. Si tu regardes ses films, ou même sa façon de polémiser, il y a toujours un point A, une idée A, quelque chose qui s'oppose, qu'il nie cette idée, mais seulement pour voir c'est quoi, toi, la vérité entre ces deux points extrêmes, quoi. Mais aujourd'hui, si on commence à parler comme ça, on est pris facile pour des extrémistes ou des bipolaires ou des gens... Des progressistes ou bien des conservateurs ou bien des arriérés, c'est ça que tu veux dire? On met tout de suite les gens dans une case, on ne peut plus penser, quoi, en gros. On ne peut plus penser, surtout on ne peut plus avoir une pensée qui est complexe et qui donc, à un moment, ça semble contredire ce qu'on vient de dire. Mais c'est juste parce qu'on est en train de construire un discours, une pensée un peu plus complexe, justement. Quoi. La pensée, elle est complexe, toute façon. Donc, la complexité n'est plus de ce monde-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Tu veux dire, la complexité n'est plus de ce monde-ci. Oui, absolument, de ce monde-ci, de notre époque, quoi. Ouais. Et c'est pas que c'est plus... Non, mais il faut pas lâcher, c'est un combat à mener, hein. Je trouve que c'est prétentieux de ma part, mais on essaye de... de parler de Pasolini, aller voir, aller bouquiner ses livres, aller voir ses films. Ce type est vachement intéressant. Mais j'avais aussi envie de développer cette idée parce que ça m'a fait un bien fou de le lire dans le livre, quoi, écrit corsaire, où il explique en fait que les comment on l'appelait, les peuples, le populaire, tu vois, les gens de la rue en Italie, je sais pas moi, dans les années avant que le capitalisme vienne, après le fascisme. Bon, il explique en fait avant la télévision, tu vois, la télévision n'est pas encore là. Il dit qu'il rencontre les gens, des jeunes, des vieux. Ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, tu vois, parce qu'il n'y a pas cette identité forcée qu'on va mettre à travers la télévision, qu'il faut ressembler au type qui parle dans la télévision, à ce qu'il te vend, à la publicité. Il disait, Pasolini te parle encore d'un moment où les gens sont fiers d'être ce qu'ils sont, tu vois. Ils s'en foutent de ressembler aux bourgeois. Ils sont bien comme ils sont, quoi. Ils sont fiers de leurs conditions. Ils sont aussi fiers de leur culture parce qu'ils connaissent leur culture. Et ils ne sont pas gêneux de leur culture. Au contraire, c'est une forme de revendication aussi. Et par contre, la critique à la télé, dont je suis totalement, je partage tout de la critique de Pasolini, mais en même temps il faut toujours rappeler que c'est la télé en Italie, dans un cadre très particulier, qui a formé les citoyens. Parce que avant la télé, en Calabre, les gens ils parlaient les Calabrais, quoi. Et en Sicile, ils parlaient les Siciliens. Personne connaissait l'italien, je veux dire. Et donc, c'est vrai que la télé a formé les citoyens, les Italiens, mais quel Italien? Et c'est ça la critique de Pasolini. Des consommateurs, quoi, de la société de consommation, quoi. Donc, des bourgeois, des petits bourgeois. Parce que c'est ça le langage, c'est très stéréotypé, c'est très simplifié aussi, quoi, c'est ça. Et surtout, c'est quelque chose qui va s'imposer, si tu veux, comme une plaque terrestre, quoi, sur ce qui était la culture populaire de chaque région, parce que c'est pas que le sud qui est paysan, quoi. Il y a aussi des grosses régions du nord qui sont paysans, quoi. Le Veneto, quoi. Il y en a beaucoup, toi, ici aussi, qui sont partis. C'est aussi des paysans, quoi. C'est aussi de la culture populaire, même si c'était au nord d'Italie. Donc, et d'ailleurs, même la région du Veneto, quoi, les Friuli, c'était pareil, quoi. Donc, tout ça a disparu pour une idée de progrès, justement, mais qui n'était pas liée vraiment au progrès des gens, quoi, au progrès civil surtout, quoi, et culturel, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont rien, et moi je le vois encore aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est les sud d'Italie, ils restent pauvres, hein. Je veux dire, les gens, ils sont habillés comme nous, il y a des grosses voitures, mais les gens, ils travaillent pas, tu vois. Donc il y a eu vraiment un progrès sans développement, quoi. Et les gens, c'est pas que les gens ne travaillent pas, c'est que les gens, ils pensent, je vais voter tel type ou tel type parce qu'il m'a promis un CDI, quoi, encore aujourd'hui, quoi, alors qu'il n'y en a plus. Alors qu'il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de CDI, quoi. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail, quoi. Je veux dire, il n'y a plus la condition de dire je trouve une place, je reste là 40 ans, c'est garanti. Et je veux... Mais il y a encore ça. Donc il y a encore cet esprit de soumission au pouvoir, quoi. Donc il n'y a pas eu une vraie émancipation, quoi. Là, c'est ça la critique de Pasolini, quoi. Bon, ça va, je ne suis pas contre les progrès, absolument, mais il faut qu'il y ait à côté une émancipation des gens, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je reviens au début de ce moment, qu'il était un marxiste. C'est ça qui le dérange. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était, aujourd'hui, on dirait extrême, radical, dans le sens, il disait pas, il ne se contentait pas. Parce qu'on le voit que c'est faux de dire on gère les capitales, justement, et puis on travaillera pour une meilleure division de profits. Ça n'a jamais arrivé, quoi. Okay? Donc c'est lui qui, en tant que marxiste, il disait non, il faut révolter les moyens de production. Donc il faut que les classes soumises, ils prennent le pouvoir. Et puis on sait bien comme Marx, il l'explique, quoi, mais je veux dire. Mais en même temps, c'est ça qu'il lui pensait, quoi. C'est ça qui... ses envies, quoi, c'est ce qui lui rêvait aussi de quelque part, en tant que marxiste. Et donc, en même temps, c'est vrai, il y a aussi un aspect, et là il faut faire attention à notre époque, quand on introduit cet élément-là, il y a un aspect de violence dans le travail de Pasolini, qui c'est aussi quelque chose qui dérange la bourgeoisie, hein, parce qu'un bourgeois, on ne peut pas lui dire fuck off, quoi, ça dérange, quoi, on est vulgaire, quoi, si on dit fuck off, quoi. En même temps, on passe, on se promène à côté d'un clochard, on ne le regarde même pas. Ça, je trouve ça très vulgaire, quoi. Mais si tu dis fuck off, là, c'est vulgaire, quoi. Donc, Et alors, Pasolini, c'était quelqu'un qui disait « fuck off » tout le temps à la bourgeoisie. Ça dérange, quoi, ça dérange beaucoup. Ça gêne parce que ça montre aussi l'hypocrisie des bourgeois, quoi. Mais qu'est-ce que tu disais avec Marx ? J'ai pas bien... Mais justement, lui, en tant que marxiste, il proposait pas, comme il propose le progressisme actuel, une meilleure division de la richesse, quoi. Tu veux dire que, en fait, l'idée... Prenons les pouvoirs, quoi. Oui, l'idée, c'est... Marx dit, réapproprions-nous les moyens de production. C'est ça, en fait, le combat. Tandis que Pasolini, lui, il dit, laisse tomber cette production, en gros. Oui, c'est ça, en fait. Parce que, et d'ailleurs, ce n'est pas une solution. Hein, ce qu'il propose Marx, c'est juste révolter la dictature, dans le sens, bon, ça, là, c'est la dictature de la bourgeoisie, là, on va faire la dictature du prolétariat. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Évidemment, ça change pour le prolétariat. Mais, je veux dire, on renverse la problématique, mais ça... Mais dans ce schéma-là, on garde toujours les usines, on casse la nature, on produit. Enfin voilà, c'est ça qui est. C'est un propos qui a des limites. En même temps, il faut même classer Marx dans son époque. Donc c'était le début de la deuxième révolution industrielle. Donc c'était encore. Tout ça n'était pas encore. On n'avait pas encore la conscience de tout ça. Donc moi, si tu veux, je suis pas. Pas la conscience de tout quoi ? Mais la conscience ambientale, par exemple, la conscience. Ah, moi, je suis sûr que moi, je suis sûr qu'il fallait pas être devin pour voir qu'il y avait une usine qui se faisait, qui ratiboisait tout. Il y avait des fumées noires. Les gens étaient. Enfin, moi, je crois qu'on nous raconte des conneries quand on dit. Seulement, ils le mettaient pas en avant. C'était pas ça qu'ils mettaient en avant, tu vois. Ouais, c'est délicat cette question-là, je trouve. Ouais, je sais pas. Alors, peut-être il y a quelqu'un, comme tu dis. Je ne suis pas contre qu'il voyait déjà ça, mais je veux dire, dans les soucis généraux plus importants, il y avait l'idée, il y avait encore trop de gens qui étaient dans la pauvreté totale, absolue, donc je pense que les soucis plus importants, c'était lié à ça, à l'époque. Mais quand tu dis... On parle de Marx, hein. Oui, mais quand on parle de pauvreté, ouais. C'est toute une histoire, je sais pas, on discute là, on s'échappe un petit peu de... De Pasolini, mais ça rejoint en même temps Pasolini. De toute façon, on y reviendra à Pasolini. C'est qu'on dit pauvre du temps de Marx et les usines qui débarquent, d'accord ? Je veux dire, on a réduit les gens à la pauvreté parce qu'à la base, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, à la base, je caricature hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais on est dans la forêt, on vit dehors. Dans les grottes, on fait des feux, on va chasser. Oui, j'entends bien ce que tu veux dire, mais je veux dire si... Quand on parle de pauvreté, je veux dire, c'est on est, ça, faudrait déjà définir c'est quoi la pauvreté. Et il y a une classe dominante qui a réduit la classe dominée à très peu de choses qui font que ces gens-là doivent aller travailler à l'usine. Ils ne voulaient pas à la base, les gens travaillaient leur jardin, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, absolument, mais là, si tu veux, c'est quelque chose qui... Ben, comment dire, dans l'histoire, on ne peut pas oublier cette partie-là. Non, mais alors, si on dit histoire, mais là, c'est déjà défini, on dit histoire de la civilisation, évidemment, on s'occupe de la civilisation. Et c'est quoi la civilisation ? C'est que nous, on a conçu en Europe à un certain moment de l'histoire, et tu vois, et qui s'est mis en place. Et sur ce choix-là, faite par la majorité des gens, on a évidemment échappé plein d'autres parcours et possibilités, toi. Mais donc dans cette ligne-là, il y a une ligne, quoi. Donc je veux dire la fin de l'ancien régime, toi, la mise en place de la bourgeoisie, toi, tout ça, c'est le début de la modernité, quoi. Et donc d'une idée de civilisation majoritaire. Je dis pas, je suis d'accord avec toi, total, tout ce que tu veux. Mais c'est que la majorité des gens, en tout cas, on est dans cette. Je veux dire, tu n'as pas quitté la ville, tu n'habites pas dans la forêt avec les arbres, tu vois. Si, donc, j'ai quitté la ville. Hein. Oui, ok, mais tu. Mais j'habite sur cette terre, le capitalisme est partout. Hein. mais absolument, c'est ça. Et donc. Non, mais je veux dire, Marco, sache que moi, si demain. C'est toujours délicat de parler, mais je suis pas, enfin, je suis je pourrais revenir au temps du cheval. Hein. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Chaque fois, les gens me disent, oui, mais ton micro, là, mais je ferai autre chose. Je dessinerai, je parlerai avec les gens, je ferai de la musique, j'en sais rien. Absolument. Et là, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, j'ai l'impression que c'est pas que des gens comme toi qui ont beaucoup réfléchi à ça, ou d'un côté aussi comme moi, que j'ai une vie très spartane, on dit en Italie, quoi. Pour dire, je n'ai même pas de permis de conduire, quoi, toi, je me sens pas... Ouh, Marco. Donc, mais en même temps, je pense que ça, c'est une attitude que tout le monde peut avoir, quoi. Je veux dire, d'un jour à l'autre, si tout ça va disparaître, bon, il y aura peut-être 2-3 jours où les gens vont devenir hyper dingues, et puis ils vont se remettre sur autre chose, parce que c'est ça, la force et les limites aussi de l'être humain, il prend l'habitude à tout. Et aujourd'hui, on les voit bien. Hein. Ouais, ils s'adaptent à tout, ça c'est clair. Au pire comme au meilleur. C'est incroyable, ça. C'est vraiment incroyable. Ça. Mais donc, pour revenir à Pasolini et à Marx aussi, là, les propos, c'est différent. C'est un propos qui aujourd'hui a disparu et on le nie parce qu'il a disparu en mettant ces gens-là au pouvoir. Dans le sens, c'était la gauche marxiste qui, au moment qu'il a pris le pouvoir, est devenue gauche libérale. On dit gauche des gouvernements, hein, on est en Italie, hein. Et donc, ils ont nié leurs propres propos. Et donc, ils sont gênés de se rappeler des intellectuels qui disaient certaines choses, mais aussi de vraiment mettre en place certains discours, quoi. Donc, justement, encore aujourd'hui, Pasolini, c'est quelqu'un qui dérange. Et j'ajoute encore une chose par rapport à la société italienne. Son homosexualité, c'est quelque chose qui dérange encore aujourd'hui. Par rapport à... Encore aujourd'hui? Ah ouais, bah là, l'Italie, maintenant... C'est chaud en Italie. Non, mais même avant, parce que si tu veux, on a eu la gauche au pouvoir pendant 20 ans, mais eux aussi, moi je veux dire, j'ai tendance à dire, soit par rapport à l'immigration ou l'homosexualité, ils ont la même pensée que la droite. Sauf qu'en tant qu'ils bons catholiques, ils pensent qu'on doit quand même accepter ces gens-là qui ne sont pas trop bien, mais quand même. Mais alors, si c'est ça la logique. Hypocrite. Absolument. Mais si c'est ça la logique, c'est juste qu'il y aurait un gouvernement de droite. Parce que s'ils sont différents de nous, tu vois ce que je veux dire? Dans les paradoxes, c'est plus correct qu'ils sont eux au pouvoir. Parce que même Renzi, ben, j'ai jamais entendu Renzi dire les gens qui arrivent, ils sont comme nous, ils ont les mêmes droits que nous. Non, ils disent, ben, ils sont des pauvres, on ne peut pas les laisser là. Ben, non, mec, c'est des gens qui ont la même dignité que toi et ils ont le droit à vivre comme les autres. C'est point à la ligne. Quoi. Si on n'arrive pas à dire que la différence entre nous et les Africains, c'est qu'ils ont plus de mélanine, quoi, c'est tout. Quoi. Il n'y a aucune différence. Si on n'arrive pas à comprendre ça, et on a toujours le discours de dire ils sont toujours bien. Alors, l'Africain est toujours bien, c'est comme l'Africain est toujours mauvais, tu vois ce que je veux dire. Mais l'Italie, c'est encore comme ça. Hein. Je veux dire, ça fait peur. C'est tellement homogéné au niveau culturel, ethnique, que c'est encore comme ça. Et donc... Dans un moment de crise économique aussi, ben non, je ne peux pas tenir 10 000 personnes comme des petits enfants comme ça, tu vois. C'est même logique d'un côté, le discours de la droite, tu vois. Je ne peux pas quoi, t'as dit? Aider. Aider des gens sans avoir rien en échange, quoi, juste parce que c'est juste. Non, oui, ok, mais là, on ne peut pas se permettre ça, et donc non. Et d'ailleurs, c'est ça le discours de George, hein. Il dit, ben, Renzi, tu as raison, mais là, tu vois, on n'a pas les moyens, donc on ne peut pas. Et le mec, il s'était parce qu'il n'a pas notre discours, tu vois. Donc c'est ça, pour moi, en tant qu'Italien, c'est un peu la gêne d'être italien, parce que je me rends compte qu'on est vraiment... La gêne. Oui, on a des problèmes de première génération d'immigrés, et on fait des choses vraiment dingues. Hein. Je veux dire, il y a des jeunes de 20 ans qui ont fait les études en Italie, ils ne sont pas italiens. Je ne comprends pas, là. Hein? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il y a des jeunes... immigrés, toi, qui sont arrivés, ils sont fils d'immigrés, non, en Italie, fils d'immigrés, nés en Italie, ils ont fait tout leur parcours d'études en Italie, ils ont 20 ans aujourd'hui, mais ils ne sont pas italiens. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ça pas, veut dire ils que... Pas si... identité italienne. Ils ne sont pas reconnus en tant qu'Italiens, ils ne sont pas européens. Ils restent marocains, ou je ne sais pas moi. D'accord. Comment dire, nationaliste à fond. Moi, j'ai entendu des gens, mais pas des intellectuels, dire, mais Balotelli, il n'est pas italien, ça fait comment qu'il est italien? Il est noir, quoi. Balotelli, c'est qui? C'est un joueur de foot qui jouait pour l'équipe, tu vois, donc... Pour l'Italie? Oui, parce que c'est italien, quoi, le mec. Un italien dans l'équipe de football, là. Ah oui, ok, je comprends. L'équipe nationale, toi. Et il y a des gens qui disent non. C'est comment, alors, je veux savoir comment c'est possible qu'un noir soit un italien. Mais tu te rends compte, mais l'Italie, c'est comme ça encore. Hein. Ça doit être hyper. Mais ça se radicalise, hein, tout ça. Ça pue, hein. Tu trouves pas que ça pue? Oui, oui, bien sûr. Même ici, en Belgique. En Belgique, en France, mais je veux dire, c'est un peu différent, quoi. C'est des problèmes, j'en parlais un peu avec un ami, les problèmes entre des troisième, quatrième génération, ils sont un peu différents de première, quoi. Là, tu découvres vraiment les trucs un peu grossiers, quoi, comme celui-là, quoi. Je veux vraiment comprendre comment un noir soit italien, quoi. Mais ça, c'est pas possible, mais je te rends compte, mais il parle comme ça, hein. Alors tu les regardes et tu dis, oh, oh, oh, oh. Et en même temps, je pense, tout ça, ça vient de... Je veux dire, c'est pas des dingues, c'est pas des fous, c'est même pas des débiles. Il y a un contexte culturel qui fait qu'une pensée comme ça, débile, tout ce que tu veux, mais soit possible. Soit quelque part possible. Approfondis pour qu'on comprenne, quoi. Tu veux dire que... Il y a un terrain culturel qui permet à quelqu'un de penser. De penser comme ça. Pas ça comme ça, quoi. Parce que sinon... Mais tu veux dire que c'est à travers ce qu'on entend à la radio, à la télévision, c'est ça? La télé, mais c'est parce que même les médias ont des responsabilités, mais pas seulement parce qu'ils ont besoin de scandales et donc ils vont à la recherche de ces gens-là, mais c'est aussi parce que. On est dans cette époque-là, Graziella. Oui, c'est son opinion. Bon, il faut la respecter. Hein, il faut respecter les opinions. Il ne faut pas respecter tous les opinions. Quoi. Il y a des opinions qui ne sont pas respectables et c'est tout. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Donc ça c'est pas respectable. Je veux dire un gros problème. Mais ça, c'est une question fondamentale. Hein. Basique, quoi. C'est basique. Parce que ça va contre... Ben, je veux dire, tu ne sais pas comment c'est possible qu'un Africain soit italien. Mais ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de devenir trois siècles. Mais donc, il faut revenir à l'école. Et à l'école, on étudie quoi? Et alors, il faut revenir vraiment même au texte de l'école parce qu'il y a, ça. C'est le gros problème, quoi. Parce que sinon, c'est vraiment incompréhensible. Tu parles de l'école, mais l'école, c'est aussi une bonne usine à dire ce que vous devez penser. Absolument, c'est ça. Ah, alors, j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire quand tu parlais de l'école. Il faut retourner à l'école. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais en même temps, même, je veux dire, moi, j'étais à l'école et je suis pas sorti formaté, tu vois. Ouais, mais t'avais autre chose, alors. Tu t'es pas encore bien analysé, hein. T'avais autre chose, parce que si c'est que l'école... Non, c'est pas... Je veux dire, mais après, il y a aussi la liberté... la pensée, quoi. Je veux dire, on peut, c'est bien, c'est construire la pensée, parce qu'il y a les livres, il y a les textes, hein, je veux dire, au-delà de l'enseignant, quoi, et des choses, mais je veux dire, on peut lire, hein, et puis même des choses qui vont au-delà des tests scolaires, quoi, je veux dire, c'est, voilà, il faut juste un peu, et même se mettre en discussion soi-même, quoi, je veux dire, parce que, par exemple, moi, je sais plus qui je veux dire, par rapport à... Si tu me demandes est-ce que tu es italien, moi, je me sens plus trop italien. Si tu veux, d'un côté, je ne me suis jamais senti que italien. Je ne me suis jamais senti que calabré. Et alors, je n'ai un... Calabré? Calabré, quoi. Calabre, c'est la région où je viens. Tu sais, moi, la première fois que je me suis senti italien, c'était ici, hein. Parce que... Oui, je vois très bien. Parce que moi... Les gens. Je suis né en Calabre, j'ai vécu en Calabre. Puis j'étais à Rome, j'ai vécu à Rome 10 ans, mais à Rome, j'étais toujours les Calabrais. Parce que comme l'Italie, c'est un pays des communes et des villages, donc tu restes la personne de tu viens toujours. Quoi. Donc 10 ans à Rome, j'étais le Calabré. Et puis j'arrive ici et je découvre que je suis italien. Ça fait plaisir, quoi, parce que les Italiens ne m'ont jamais traité d'Italien. Donc. Et alors là, je ne sais plus, toi, est-ce que je suis italien? Non, parce que je n'habite plus là depuis 10 ans. J'ai du mal pour beaucoup de choses. Je me rends compte que je ne serais plus capable à vivre là. Justement, c'est ce côté monoculturel qui me dérange beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis monoculturel? En Italie, tu entends parler italien tout le temps. Quoi. Et quoi? Mais ici, à Bruxelles, tu entends parler toutes les langues du monde. Ah ouais! Et en Italie, tu entends parler qui italien? Quoi. Oh, tu deviens exigeant là? Oui, très exigeant. Je pense que ça, c'est une richesse de la ville de Bruxelles. Mais c'est une richesse aussi, au-delà de ce qui s'est passé à Bruxelles dans les dernières années, donc les Européens qui arrivent, mais il y a aussi à Bruxelles comme à Paris, par exemple, l'assomption de responsabilité des anciennes colonies. Et donc, c'est déjà une forme de mixité. Pour revenir à l'Italie et à la dimension fasciste culturelle du pays, au-delà si les gens se perçoivent de gauche ou de droite, c'est qu'on n'a jamais assumé notre colonialisme. En Italie, et ça, si tu veux... et Pasolini le savait bien, on revient à lui, c'est de la faute du Parti communiste italien qui, à la fin de la Deuxième Guerre, ils ont fait des accords et ils ont dit, bon, ok, ça va. Tout ce qui s'est passé, et maintenant on est autre chose. Et c'est eux qui ont commencé à écrire dans les livres d'histoire que le colonialisme italien, bon, en fond, c'est pas, on ne peut pas les paragoner aux autres, hein, on n'a pas fait... C'est comme si on est parti faire du colonialisme avec les mandolines et cuisinant des... Allez, la carte est full, en fait. La carte son est full. C'est toujours bon signe. Et on reprend alors avec Marco. Oui, donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, on n'a jamais vraiment pris conscience des dégâts de notre colonialisme. Les Italiens ont appris à... tuer les gens avec les gaz. On était les premiers, hein, à gazer les gens avec les hélicoptères en Afrique parce qu'on n'arrivait pas. Et donc, dans les livres d'histoire, si tu veux, ils sont quand même fait un peu de confusion. Et aujourd'hui encore, on la retrouve entre les résultats nuls pour l'Italie des colonies parce qu'on n'a rien profité. Je veux dire, Mussolini, il était en Libye, il cherchait l'eau, hein. Ils cherchaient l'eau, les mecs, hein, les grands intelligents. Quoi. Ils cherchaient l'eau. Donc, sérieux ? Oui. Ils cherchaient l'eau. L'eau, on cherchait l'eau, quoi. Et puis après, ils ont découvert qu'il y avait du pétrole, quoi. Mais c'est les Anglais qui ont découvert le pétrole après. Donc, on n'a rien profité des colonies, mais ça ne veut pas dire que les guerres coloniales n'étaient pas des guerres violentes. Au contraire, quoi. On était vraiment parmi les plus violents. On n'a rien à se gêner par rapport aux Portugais ou aux Espagnols. Hein. Je veux dire, les Italiens, c'était vraiment... Et donc, de ça, on ne parle jamais. Encore aujourd'hui, moi, je parle, mais pas que des intellectuels, aussi des activistes et des militants de la gauche, encore aujourd'hui, de l'ancien Parti communiste, qui dit, bah, enfin, le colonialisme italien, on n'est pas été si mauvais que les autres. Non. Ça, c'est faux. C'est faux. Et c'est à partir de là que le fait que l'Italie, ça reste un pays monoculturel. Ça veut dire qu'il n'y a que des Italiens nés en Italie. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, quand Salvini était ministre de l'Intérieur, il y a 5 ans, il s'est permis quoi, de vider les Éthiopiens et de virer, de les renvoyer en Éthiopie. Et personne ne dit rien. Et c'est comme si ici, la Belgique, il dégageait Matongé, il envoyait tous les Congolais au Congo. Il y aurait eu une révolution. C'est ce qui s'est passé ? Faites d'abord en par Italie ? Les Belges. Mais non, rien. Personne n'a rien dit, quoi. Personne n'a rien dit. Personne ne s'est permis, ni un journaliste, ni un mec du Parti communiste, ou socialiste, ou quoi, ou Renzi, quoi, monsieur les libéraux, de dire, mais ça, ce sont les uniques qui tu dois les garder chez toi, parce que tu étais dans son pays, et tu as détruit son pays. Donc, d'abord, tu fais un quartier pour ces gens-là. Il n'y a pas un quartier comme Matongé en Italie. Tu sais, à Rome, il y a un quartier qui s'appelle quartier africain. Il n'y a que des gens de Rome. Il n'y a rien pour les Éthiopiens. Et d'ailleurs, ils n'ont rien demandé parce qu'ils savent bien qu'on est foireux, quoi. L'Érythrée, c'est pareil. La Libye. Et donc, on ne s'est jamais mélangé. On ne s'est jamais assumé la responsabilité de notre colonialisme. Ce qui fait qu'il reste un pays monoculturel à ce point de vue-là. Et donc, très raciste. Même dans les gens de gauche, qu'ils pensent. Parce que quand tu penses que l'Africain, je parle toujours de l'Africain parce que ça fait toujours, les Noirs c'est un cauchemar pour les Italiens. Hein. Je ne sais pas si c'est pour la taille de Zizi, je ne sais pas, c'est un cauchemar pour les Italiens en tout cas. Mais jusqu'au moment... Noir c'est un cauchemar pour beaucoup de monde. Hein. Et donc, non mais si tu penses toujours que d'un côté, on revient à la dialectique, si pour les fascistes ils sont toujours mauvais et que pour les gauchistes ils sont toujours bons, on reste dans l'abstraction totale, c'est-à-dire on ne les perçoit pas comme des personnes. Encore aujourd'hui, je veux dire en 2023, hein, tandis que je te raconte la dernière, quoi, la gauche, et alors il présente un type à les dernières élections, un syndicaliste. Hein, syndicaliste donc, attends, là je décroche. Là maintenant tu parles oui, maintenant. En Italie maintenant. Maintenant, dernière élection. Donc parti de gauche. À la gauche du Parti démocratique, donc du Parti socialiste, il présente cette syndicaliste, on les connaissait tous, hein, et c'est un type pas net, on le savait bien, les gens qui connaissent les choses, toi, mais c'est d'origine africaine. Toi. Et donc là, il parie tout sur ces mecs-là. Et au bout de 2 mois, ça sort qu'il a des coopératifs, il fait plein de magouilles, sa femme surtout, quoi. Il ne paye pas les employés. Et voilà, ils sont gênés, quoi, parce qu'ils ne savent pas qu'ils arrivent. Je veux dire, qui ils sont gênés? C'est qui le ils? Les gens de gauche, les gens qui l'ont mis là, toi, qui ont demandé de prendre sa place au Parlement, quoi. D'accord. Et ils sont gênés parce que mais c'est vraiment une attitude très, très abstraite, quoi. Je veux dire. Il y a des voleurs partout, mec, hein, je veux dire, dans le monde, c'est pas question. Ouais. Donc, tu vois, mais je veux dire, mais si, pas à Milan, mais si à Rome ou à Naples, tu vois un Africain qui descend de Mercedes, la première pensée, c'est qu'il a volé. C'est ça, non, ouais. Non, mais c'est vraiment comme ça. Hein. Je suis pas en train d'exagérer ou de faire une performance. Bon, il reste 4 minutes, Marco. Celle-là. On termine par quoi? On termine par... Que dire? Qu'est-ce qu'on aura envie de dire encore? Qu'est-ce que tu auras envie de dire de Pasolini? Moi, alors, ce que on peut clôturer sur le fait que... Bon, des propositions aussi à ton public, quoi, d'essayer de voir quelque chose de Pasolini. Mais ça, c'est sûr, mais c'est le fait qu'on parle de lui, c'est une invitation à aller... Mais c'était un bonhomme aussi qui était contre l'avortement, parce qu'on doit aussi... Après, c'est complexe, hein, ça prend le temps d'expliquer. Mais c'était un gars qui était... je veux dire par là, Pasolini, c'était un mec qui était vachement engagé pour... Ah, c'est compliqué. Mais s'il faut utiliser des mots comme ça, c'est qu'il était quand même progressiste, mais il était contre l'avortement... Contre le mariage. Si tu veux, il y a des propos aussi réactionnaires dans ces points de vue. Hein, parce que justement, puis, il faut toujours imaginer ça, hein, comme on a dit tout à l'heure, en dialectique avec la société à laquelle lui s'est rapporté. Donc, ce n'était pas vraiment contre l'avortement. À un moment, dans ses écrits corsaires, il était contre les positions un peu hypocrites, tu vois, du Parti communiste. Parce que lui, c'était toujours. Sa dialectique était toujours. Contre les partis communistes et en relation avec la société italienne, donc et ses aspects plus, comment dire, plus radicales liés à l'Église catholique. Non, mais moi j'aimerais mieux comprendre, en fait, j'aimerais mieux comprendre, j'ai lu ça, voilà, mais c'est... Par exemple, lui, si je suis désolé de t'interrompre, il y a au début des émeutes aux années 60, et lui, il était avec la police, tu vois, contre les universitaires, parce qu'il disait, vous êtes des bourgeois, vous êtes des fils des bourgeois. Là, les flics, là, ils sont des ouvriers, quoi. C'est des fils des ouvriers, c'est la classe populaire. C'est la vraie classe populaire. Oui, mais tout s'explique sûrement, tu vois ce que je veux dire. On peut être choqué après... Enfin, moi, jamais un flic sera mon copain, quoi. Jamais, quand j'ai une merde, c'est pas le réflexe que je... Appeler la police, quoi, enfin... Et là, on apprend que Pasolini était avec les flics. Parce que c'est toujours dans la... Comment on dit, mais ça semble une blague, mais c'est vrai, dans la dialectique, toi, de la discussion, toi, donc oui, c'est vrai, les jeunes, ils font des manifs parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et en même temps, ils vont contre qui? Et parce qu'ils veulent s'émanciper de leurs parents, quoi, donc de la bourgeoisie, mais en fait, ils vont contre qui? Mais ils vont contre la classe populaire, quoi. Les gens qui n'ont pas la possibilité de décider, de choisir, et donc ils sont obligés de prendre les métiers qu'ils passent. Parce que si tu vois, après, et... Si tu regardes bien ce qui s'est passé après, parce que là, on est début de, disons, 68-69, Pasolini, il prend ces positions-là. Mais c'est qui ces gens-là? Ce sont les mêmes qui, 10 ans après, ils ont pris les armes, ils ont fait la lutte armée en Italie. Et ils se révoltaient contre qui? Contre leurs parents. Et leurs parents, c'était qui? C'est de la grande bourgeoisie italienne. Je cite juste un exemple. Prima Linea, c'était un des groupes armés au-delà des Brigades Rouges les plus importants. Mais les chefs, c'était les fils du ministre de la Défense, OK? Donc, il s'est révolté contre son père et ils allaient tuer des flics, quoi. Mais les flics, c'était quoi? C'était des gens qu'ils avaient, ils pouvaient pas choisir, quoi. C'était des gens qui venaient de la classe populaire, peut-être pas très intelligents, pas envie d'étudier, bon physique, pris dans la police, quoi. C'était comme ça à l'époque, la sélection. Hein. Ça donne envie de d'approfondir le sujet. Moi, je comprends pas, j'ai pas tout compris de ce que tu m'as dessiné. J'ai envie de mieux comprendre, à vrai dire, mieux comprendre tout ce qui se joue. On boucle? OK. Alors, on prend peut-être un prochain.